Ça m'étonnerait. C'est pas le genre de tous ces bobos du 20e de faire ce genre de grosses soirées tous les samedis. Non, trouvez mieux que ça.